tu as des médias informatifs, bah, tu en fais partie du coup, hein, clairement, qui permettent justement d'aller un petit peu plus dans un domaine en particulier, voir des sujets un peu plus profonds. Bonjour à tous, bienvenue dans Beauté Imaginée, 65e interview aujourd'hui avec Céline de la marque Coslys. Bonjour Céline. Bonjour à tous. Moi c'est Alice. Passionnée par l'univers de la beauté et du bien-être, j'interviewe dans chacune de mes émissions un invité à visage caché. Et vous, chers auditeurs, vous n'avez alors que sa voix pour l'imaginer. Si vous aimez le concept de beauté imaginée, où on peut parler ensemble de beauté sans s'exposer, vous pouvez me soutenir en mettant une bonne note au podcast. Ça augmentera sa visibilité et moi je pourrai interroger de plus en plus de monde. Et on peut également se rejoindre sur les réseaux. Vous pouvez soutenir ma page Instagram, YouTube, TikTok, Beauté Imaginée, pas d'accent, tiré du 8 entre les deux mots. Je vous dis à bientôt. Céline, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci pour ton invitation, surtout. Et toi, Céline, tu travailles chez Coslys en tant que responsable communication et marketing digital. Coslys existe depuis 20 ans et propose des soins certifiés bio aux ingrédients naturels cultivés par des producteurs locaux. Les produits sont proposés dans des grands formats à destination de toute la famille. Tu as un bon recul sur ce marché de la cosmétique naturelle. Tu as vu son essor ces dernières années notamment. Je sais déjà que cette interview va être riche d'enseignements. Et chers auditeurs, pour faire découvrir les produits Coslys, nous lançons un concours. Donc Céline met en jeu un lot complet, composé du déodorant énergisant rechargeable, du gel douche sur gras au chèvrefeuille, du shampoing nutrition intense, du gel toilette intime apaisant, du gel lave-en-main lavande citron et du livre Soins des cheveux et coloration naturelle. Après mon interview, ce sera la rubrique Les auditeurs t'imaginent. On vous fera deviner trois infos concernant Céline. Les voici. Quel âge a Céline ? De quel sport Céline est-elle professeure ? Et dans quelle région française Céline a-t-elle grandi ? Coslys est une entreprise familiale. Tu peux nous dire quelle est sa structure et son origine ? Comme tu disais, effectivement, Coslys a déjà 20 ans. En fait, nous 20 ans, là, cette année. On a été, la marque est née en 2003. Et en fait, c'est une histoire familiale, Coslys, puisqu'en fait, la maman de notre dirigeant, du président actuel Samuel Gabory, bah, la maman, Janine, faisait des réactions en fait cutanées à des produits d'hygiène, si tu veux, gel douche, shampoing, et aussi tout ce qui est produits d'entretien, tu vois, les lessives. Et donc là, on parle de ça donc en 1985. Et donc, on est vraiment dans une période où on est vraiment sur la chimie intensive. Hein, on est sur des tensioactifs issus de la pétrochimie, des parfums de synthèse. On n'a pas du tout la culture et l'approche du naturel telle qu'on l'a aujourd'hui. Donc, c'est vrai que pour elle, c'était difficile de trouver des produits qui respectaient sa peau et la peau de ses enfants. Et à force de faire des recherches, elle a découvert qu'en fait, il existait des agents lavants, des bases lavantes fabriquées à partir de matières premières végétales. Tu peux en avoir de plusieurs sortes, hein, d'origine céréalière, issues d'oléagineux, hein, tels que les cocos, palmes, copra, d'accord, tournesol, etc. Et que du coup, elle n'avait pas de réaction cutanée. Donc, pour elle, ça a été un déclic. Elle était maman au foyer. Donc, tu vois, elle n'était pas destinée clairement à créer une marque. Et puis, bah, naturellement, elle en a parlé en fait dans son entourage, que vraiment, c'était un confort pour elle, qu'elle était plus rassurée parce qu'en fait, elle a aussi vu bah, c'est des matières premières renouvelables. Donc, en termes d'écologie et même de biodégradabilité, c'était meilleur aussi pour la planète. Il faut savoir que Coslys, l'histoire familiale, là où je te parle d'ailleurs, on est dans le Maine-et-Loire, dans le 43, au sud d'Angers. Donc, c'est la campagne, si tu veux. Donc, c'est vrai que le respect de la nature, ça va normal, tu vois. Donc, du coup, elle en a parlé autour d'elle. Et c'est comme ça qu'effectivement, elle a d'abord créé une marque de vente à domicile qui existe toujours, qui s'appelle Pure. Puis ensuite, si tu veux, c'est Bénédicte que j'ai rencontrée, donc sa fille, qui a dit, mais il faut qu'on puisse élargir ça également dans des points de vente. Donc, en 2003, Coslys est né et vendu uniquement en magasin bio, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. C'est cohérent, si tu veux, avec notre démarche globale de respect de la nature, d'avoir une démarche holistique. Et toi, personnellement, comment tu as croisé le chemin de Coslys ? Effectivement, j'ai donc là je te parlais de Bénédicte, donc un des enfants de Janine. Si tu veux, mon premier, moi quand j'ai fait des études de commerce, hein, au départ, pas forcément avec un projet professionnel forcément écrit. Et puis ma première expérience en fait a été d'être animatrice formatrice dans des compléments alimentaires bio. D'accord. En magasin bio. Et en fait, un jour, donc moi j'avais comme secteur d'activité, enfin géographique, pardon, la région parisienne et le nord de la France. Et j'ai une de mes collègues qui, elle, a le même job, mais sur l'ouest, qui était, pouvait pas être disponible pour une animation. En général, c'était ça, hein, donc on animait sur les points de vente et on mettait en avant les bénéfices des compléments alimentaires. Elle ne pouvait pas être là et il fallait absolument que moi, voilà, ma direction m'a dit non, non, il faut qu'on y aille. C'est une biocoop avec qui on collabore depuis très longtemps, il faut que tu y ailles. Et donc, j'y suis allée. Donc, je me suis retrouvée à Cholet, coin que je ne connaissais absolument pas au départ. Et si tu veux, en fait, ce qui se passe souvent en magasin bio, c'est que voilà, il y a des journées comme ça, un peu anniversaire, événement, où tu as plusieurs producteurs. Donc moi, je venais avec mes marques de compléments alimentaires, je présentais ça aux clients du magasin. Et puis, il y avait une autre marque qui était là, Coslis, sur une table, présentée par Bénédicte. Et là, ça a été un petit coup de foudre, parce que si tu veux, donc là, on est en 2003, un magasin bio, on parle plutôt d'ailleurs de magasin diététique, on est plutôt axé sur l'alimentaire exclusivement, et surtout en cosmétique bio. Ce sont essentiellement des marques allemandes. Ah oui. Quand je vois Coslis, donc elle m'explique la genèse, marque française, donc ce que je viens de vous partager sur l'histoire de la famille, mais je dis bravo, quoi, génial, c'est super, une marque française, petite structure qui a le souci de la biodiversité, des actifs, parce qu'il y avait déjà l'eau florale de Reine-des-Prés dans. Et ce qui est toujours le cas aussi dans les produits Coslis. Donc, génial, mais on en reste là. Et puis effectivement, en fin d'année 2003, pardon, elle m'appelle, elle me dit, bah, écoute Céline, j'ai besoin de renforcer l'équipe Coslis. Parce qu'en fait, Coslis, c'est une de nos marques. Hein. Il faut savoir que nous, on est fabricants. On fabrique tous nos produits dans notre laboratoire. Il y a un service recherche et développement. Et elle me dit, bah, écoute, voilà, j'ai besoin de développer Coslis, mais on a aussi notamment justement une marque de produits d'entretien, Étamine du Lys. Donc, j'ai besoin de quelqu'un, voilà, pour m'accompagner. Et c'est comme ça que je suis arrivée donc dans la région choletaise pour lancer Coslis, quoi. Oui, à ses Enfin, débuts en fait. voilà, Et c'est exactement. super rigolo cette Ouais. coïncidence. Enfin, c'est l'absence d'une collègue qui fait que tu croises le chemin. C'est ça. Moi, je suis assez de ce côté-là, je suis assez. Il n'y a pas de hasard dans la vie, hein. Comme je te disais, je ne suis pas quelqu'un qui a tracé une carrière avec des objectifs professionnels. Je trouve que les rencontres, quand on est vraiment disponible et ouvert et par contre, c'est important d'avoir des valeurs et de savoir ce que l'on veut, ce qu'on attend de la vie de manière générale, si tu veux. Et c'est vrai que j'ai toujours fonctionné comme ça. Et tu vois, voilà, une rencontre et la preuve, hein, tu vois, en 20 ans, moi je suis arrivée, on était une vingtaine du coup de personnes. Et puis bah, maintenant, c'est une belle belle entreprise. De presque 200 Ah salariés, hein, 190 salariés. Ouais. ouais, sacré parcours. Et donc t'as vraiment participé à faire grandir la marque toutes ces années. Toi maintenant, quel est ton poste? Quelles sont tes missions alors? Alors oui, donc effectivement, je suis arrivée en responsable développement, tu vois, petite structure, je faisais autant du commerce que du marketing, que des achats de packaging, de l'animation encore, hein, bien sûr, des points de vente. Et puis au fur et à mesure, effectivement, je suis partie davantage dans l'univers du marketing, donc plutôt en tant que chef produit. En 2016, comme on a beaucoup de marques, donc on a beaucoup de sites internet, donc nos marques ou nos sociétés, notre activité de fabricant de produits, etc. Donc beaucoup de sites internet, beaucoup de réseaux sociaux, et il n'y avait pas franchement de stratégie en place. Donc c'est là qu'effectivement je suis arrivée au poste donc, de responsable marketing digital. On a créé ce service digital hein, et ce poste pour justement centraliser l'ensemble établir voilà, une stratégie, en tout cas une organisation autour de la visibilité de nos marques et nos sociétés via le canal du web. Mmh. Et donc là, ça c'est la partie marketing digital et effectivement toute la partie également communication, hein, qui ont vraiment un lien des interactions. Oui. Donc toute la partie communication, effectivement là aussi bien la dimension relation presse, relation avec ceux qui vont parler de nous, hein, l'influence également. Et puis aussi bah, tout ce qui est achat d'espace média. Donc là, une approche Ah oui. publicitaire qu'on peut avoir aussi bien dans le print, comme on dit, dans la presse, Oui. ou dans des supports digitaux, télé, radio, télé, ou web. Oui, c'est très large, d'accord. C'est sur tous ces canaux que qu'on peut entendre parler de Cossis. Voilà, alors après, on reste une PME, un groupe, pour donner une idée hein, sur l'ensemble de nos activités. Hein, donc, c'est pas que Costis. On fait à peu près 40 millions de chiffres d'affaires. D'accord. On reste une PME, si tu veux. Alors, c'est un très beau chiffre, hein, Oui. du 1985. Mais c'est vrai qu'on reste une petite structure et on ne peut pas non plus aller sur tous les canaux pour toutes nos marques avec la même intensité. Donc, il y a effectivement un vrai choix et effectivement des choix à faire annuellement sur qui on. Quelle marque on va mettre en lumière, quelles sont les nouveautés ou les gammes de produits qu'on veut davantage mettre en avant. Oui. Mais effectivement, tu peux nous trouver un petit peu sur tous canaux. Et on a fait d'ailleurs, pour la petite histoire, on a fait notre première télé, premier sponsoring d'émission. Oui. Là, tout début mars, c'est une opportunité là que j'ai saisie. Ah. En plus, encore une fois, tu vois, je trouvais que ça matchait. C'est pas des propositions comme ça, j'en ai pas clairement souvent. C'était sur France 2, N'oubliez pas les paroles avec Ah, Nagui. oui, d'accord. Un format qui colle bien justement à ce qu'est Costis. Hein. Costis, si tu veux, c'est une gamme donc d'hygiène pour toute la famille. C'est comme ça qu'on se définit. Même si on a des produits de soins, par exemple visage, on est quand même davantage présent, ou en tout cas notre clientèle et nos fidèles clientes sont fans de nos produits d'hygiène pour le corps, douche, shampoing, dentifrice, un peu ce que tu as montré d'ailleurs hein, dans le lot que je propose là en Oui. concours. Voilà, tu vois, ça représente bien en fait la diversité des produits d'hygiène dont on a besoin en fait tous les jours Oui. pour toute la famille. Offre Et on a... complète. Donc tu vois Nagui, bah voilà, c'est un programme fin de journée, c'est de la positivité, on chante. Oui. Ça correspondait bien à ce qu'est Coslis, en tout cas ce qu'on défend, voilà, de la Oui. positivité, quoi. Et Monde. puis le côté accessible, voilà, que tout le monde puisse passer aux cosmétiques bio, à l'hygiène comme ça. En parlant de bio, Cossis a participé en 2002 à l'établissement du label Cosmé Bio. Vous êtes l'un des membres fondateurs. En quoi les labels sont-ils des garde-fous? Effectivement, comme tu dis, c'est Cosmebio, c'était 2002. Donc, tu vois la suite logique. Donc, Samuel, en fait, était soucieux, si tu veux, voilà, de. Il y avait une réalité. Donc, je te disais, la cosmétique bio, en fait, c'était plutôt les Allemands qui étaient précurseurs sur le sujet. Mais en même temps, la France est quand même une marque qui représente la beauté, la mode, la cosmétique. Il y a une certaine reconnaissance mondiale. Et il y avait un vide, comme ça, si tu veux, de structure et de garantie au niveau écologique et éthique. Donc effectivement 2002, donc Coslis 2003, tu vois, c'est la suite logique après la création de ce cahier des charges. Et en fait, ce cahier des charges, c'est quoi? C'est pas on a tendance un peu à croire que c'est qu'une liste d'ingrédients autorisés ou interdits. Mais c'est pas que ça en fait. Il y a pas qu'une histoire de pourcentage de naturel dans le produit ou de pourcentage de bio parmi le naturel. Ça, c'est un point essentiel, important, bien sûr. Mais il y a aussi toute la dimension, en fait, si tu veux, éthique et de traçabilité. Cosmebio, en fait, donc c'est une association en fait de professionnels qui regroupe les marques, les fabricants de produits, parce que les marques ne sont pas toujours fabricants de leurs Et produits, oui, c'est vrai. les transformateurs de matières premières. Quand on dit eau florale de Reine des Prés, bah, il y a une transformation entre la cueillette de la plante, qui elle bah, doit être bio, ou en tout cas correspond à ce fameux cahier des charges, et puis comment on l'obtient. Souvent, dans les transformations de matières premières, on peut avoir des process très polluants pour l'environnement, mais aussi pas forcément sains pour ceux qui vont faire ces process de transformation. Donc, Cosmé Bio, les labels bio de manière générale, sont des garants d'un ensemble de process, aussi bien du produit fini que d'éthique, éthique également par rapport. Alors, en cosmétique, ça a évolué ces dernières années, mais c'est interdit au niveau européen. Mais par exemple, les tests sur animaux, quand je te parle de Ah oui. 2003, c'est encore autorisé. Et le cahier des charges permettait déjà de verrouiller, si tu veux ça. Non, pas de tests sur animaux sur le produit fini. Voilà, le cahier des charges, il est cette garantie globale, en fait, sur tout un process pour obtenir un produit cosmétique, une transparence du coût pour le consommateur, parce que maintenant c'est courant de voir les pourcentages de produits naturels, même pour des produits pas certifiés. Pareil, ça c'est quelque chose aussi qui s'est mis en place parce qu'il y avait des cahiers des charges qui l'imposaient, et donc d'autres entreprises ont souhaité faire pareil pour être plus, donner cette information de transparence. Et puis autre point qui est quand même aussi contraignant pour les marques qui choisissent de suivre un label, c'est le fait qu'on soit audité. Alors, c'est quoi un audit? C'est qu'en fait, tous les ans, il y a un organisme de contrôle. Bon, souvent, on connaît Ecocert comme organisme de contrôle, mais ça peut être aussi Veritas, hein, qui est aussi un autre contrôleur connu, ou Cosmecert. Vous allez venir vérifier tous les ans, tout toucher, les factures, vérifier que la matière est bien bio, d'où elle provient, comment elle a été transformée, comment le. Ça a été fabriqué, est-ce qu'il n'y a pas eu de test sur animaux? Voilà, tout ça est scruté. Un audit, c'est chez nous, c'est plusieurs jours, au moins 2-3 jours pour vérifier tous les classeurs Ah qui ont été compilés pour garantir encore une fois toute la transparence et garantir un produit éthique et écologique et c'est bio chaque année? tous les ans. Ah Tous les ans. oui. Tous les ans, c'est édité. Et à partir du moment où effectivement tu as un nouveau produit, donc bien sûr, là, tu as tout l'enregistrement à mettre en place. Hein, donc. Alors, en sachant que tu vois bien, nous, on est fabricants, donc on fabrique aussi à d'autres, auprès de d'autres marques, peut-être si tu reçois. Donc forcément, autant te dire que nous, c'est pas qu'une fois par an qu'on est édité. Tu vois, notre structure est auditée très régulièrement pour vérifier aussi bah, si les cahiers des charges. Des marques qu'on peut fabriquer sont bien respectées. Et du coup, tu l'évoquais, Ecocert est un organisme de contrôle. Comment on différencie aussi Ouais, Cosmos? C'est bon. quoi les différences? Je suis la première à le reconnaître, beaucoup de labels, il y a de plus en plus de labels. Et puis, Oui. on est ces dernières années, il y a une tendance quand même aussi beaucoup de greenwashing, hein, c'est-à-dire de certaines sociétés qui créent leur propre label. Alors, on ne sait plus Oui. si c'est officiel ou pas. Donc, on a du mal en tant que consommateurs à s'y Totalement. retrouver. Donc en fait, en gros, clairement, hein, dans la bio, donc, on a parlé de Cosmé Bio. Donc Cosmé Bio, donc, comme je te disais, c'est une association professionnelle. D'accord. Et c'est elle qui a fait le premier cahier des charges français sur la cosmétique bio. Ah oui, D'accord? premier. Et puis, tu vois, tout à l'heure, je te parlais, donc effectivement, les Allemands avaient déjà, eux, initié ça les années avant 2003, avant 2002. Avec notamment un cahier des charges PDIH, peut-être que certains qui nous écoutent ont déjà entendu parler de ce label. Milieu, ouais, vers 2000, je ne dis pas de bêtises, 2010, 2015, Cosme Bio, BDIH, donc la Sol Association, donc ça c'est un label qu'on trouve en Angleterre. D'accord. ICEA, donc ICEA, ça c'est un label qu'on trouve en Italie. On s'est tous mis autour de la table, ça remonte Ah. quelques années. Hein. Voilà, tous ensemble. Pour dire, bon, arrêtons de faire nos petits trucs à droite, à gauche, dans chaque pays, rendons la chose justement plus simple pour le consommateur et créons un seul cahier des charges qui uniformise tout le monde. Ça a mis du temps parce que forcément, chacun défend son petit, ses valeurs, même s'il y a eu quand même, bon, on va dire 80% qui étaient communs quand même. Et donc, c'est là qu'est né Cosmos. Graphiquement, c'est la même chose, hein. C'est écrit Cosmos Oui. organique. Donc en fait, on a toujours ce logo Cosme Bio en fait, qui est le même que le logo de l'association dont je parlais tout à l'heure, hein, mais avec ce point Cosmos organique qui veut dire, voilà, regardez celui-là, ce cahier des charges, il est commun. Et on retrouve la même chose chez BDIH, on retrouve un peu chez ICEA, etc., qui appuie sur le fait de Cosmos. Donc Cosme Bio Asso, Cosmos, ça c'est le cahier des charges maintenant, on va dire international. Hein, maintenant, il y a plus de 50 000 produits qui sont 50 000. Ouais. Donc c'est à travers le monde maintenant. Hein. C'est un label qui est reconnu à l'international aussi Oui. dans le milieu de la cosmétique. Puis effectivement, tu as des organismes certificateurs qui viennent vérifier effectivement qu'on est bien adhérent aux COSME bio, qu'on a bien un cahier des charges conforme à la fabrication du produit. Et là, effectivement, on retrouve Écocert, dont on parlait tout à l'heure. Ou voilà, c'est souvent Écocert hein, qu'on connaît En dans le milieu de la bio. cosmétique. Est-ce que ça veut dire qu'un produit labellisé Cosme Bio est forcément labellisé Cosmos Organique ou non, il y a quand même des petites différences de critères? Alors, si tu veux, déjà, il faut savoir que les cahiers des charges évoluent bah, tout le temps. Oui. Pourquoi? Parce que les matières évoluent, parce que, bah oui, parce qu'effectivement, y a aussi des exigences ou des matières qu'on découvre pas toujours très, très saines pour la santé ou pour l'environnement. Donc, les cahiers des charges évoluent régulièrement. Si je te dis pas de bêtises, normalement, tu peux avoir encore des produits qui sont que Cosme Bio. Mais normalement, il y a une mise en conformité qui doit se faire là justement sur les mois à venir pour que maintenant tout produit, de toute façon, tout produit qui sort maintenant doit être Cosmo. C'est lui maintenant qui prime. D'accord. Hein, mais tu peux avoir, tu vois, des anciennes formules ou de certaines marques qui peuvent être que Cosmé Bio et pas encore basculer Cosmo. Mais il y a une uniformité là qui se fait sur les mois à venir. Que ça peut changer, tu vois, c'est peut-être notamment la part de bio qui devient plus importante. Hein. Cosmos a une part de minimum de bio qui est plus importante. Tu peux avoir aussi des choses par rapport aux bases lavantes, par rapport à la dimension aussi des tiques, hein, par rapport à lorsqu'on utilise des huiles de palme Ah oui. ou palmiste, tu vois, sur la façon dont c'est produit. Donc, effectivement, une dimension aussi certes, il faut que maintenant, dans les cahiers des charges Cosmos, ça soit certifié comme étant responsable, hein, tu vois, durable. Donc, voilà, il y a des petites choses en fait bien affinées. En fait, c'est vrai que les cahiers des charges deviennent maintenant de plus en plus rigoureux. Voilà, tu vois, plus le temps passe, effectivement, et plus c'est exigeant. C'est aussi grâce à la prise de conscience des consommateurs. Oui, effectivement, tu as raison. Tu sais, l'effet indirectement de l'effet Yuka, même si bon, y a des sujets de conversation sur le sujet Yuka, mais au moins Yuka a eu le mérite, ou en tout cas les applications qui viennent pointer du doigt un petit peu les compositions, bah, il mérite justement de mettre un peu en lumière justement ces fameuses listing key qui ont toujours été là sur les packagings en Oui. soi. Donc, effectivement, une curiosité qui s'est mise en place et qui a obligé effectivement, alors, et puis aussi les cahiers des charges de se différencier, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux marques qui, elles, maintenant disent bah, 98% naturel, ok, mais elles n'ont pas de label. Alors, pourquoi un produit Coslys qui serait à 98% d'origine naturelle serait mieux qu'un autre qui n'est pas labellisé? Donc, il faut aussi maintenant apporter des choses plus poussées, toujours plus poussées pour. Bah déjà pour principe éthique, déjà de une, et puis aussi pour effectivement, comme tu dis, répondre à cette attente de transparence, d'exigence Oui. du fait de la connaissance des utilisateurs. Ça fait combien d'années en fait que le marché va dans ce sens, enfin que disons que les consommateurs sont plus alertes sur les compositions? Nous, comme on est vendu en magasin bio, par principe, ça a toujours été des utilisateurs posent beaucoup de questions. D'accord. Donc, de toute façon, nous, dès le départ, on a toujours eu un peu ce challenge, tu vois, de devoir répondre à des interrogations, à des exigences, etc. Ça, c'est propre à notre circuit. Plus globalement, moi, je pense vraiment que les réseaux sociaux, on parlait justement donc des applications, des associations de consommateurs. En France, nous, c'est l'UFC Que Choisir, 60 millions de consommateurs, qui font quand même clairement un travail intéressant sur ce qu'on peut retrouver dans les produits. Donc, il y a, on va dire, un écosystème qui s'est mis en place de transparence depuis, moi, je dirais, 2007, 8, 10, là, tu vois, un petit peu, un peu avant 2010, là où vraiment ça a commencé un peu à être un petit peu plus mis en lumière. Et pourquoi aujourd'hui tous les grands groupes ne passent pas au label bio? Quelles sont les difficultés pour eux finalement? Dans ce que tu dis, hein, déjà grand, donc c'est vrai que déjà par rapport à des modèles économiques, si tu veux, quand même une réalité qui est le coût des matières premières. Coût et la disponibilité des matières premières. Forcément, quand On a besoin d'une certaine quantité de fleurs et encore plus dans un contexte de changement climatique, hein, qu'on le veuille ou non, c'est quand même une réalité. Les Oui. sécheresses, justement, les sécheresses ont un vrai impact sur la disponibilité de certaines matières premières, fleurs notamment, ou même fruits. Donc c'est vrai que ça joue donc sur le modèle économique et donc le prix de revient. Qui en général, dans des circuits alors mass market, peuvent effectivement, enfin, ont besoin d'être très très bas pour pouvoir être challengés mais à coup de mécanique de promo. Et puis après, ben, il y a aussi tout simplement une notion d'expertise. Oui. C'est une approche vraiment. Nous, très longtemps, on a été parmi les seuls laboratoires, une dizaine de laboratoires français qui fabriquaient des cosmétiques bio. Ça bouge, effectivement, tout ça se démocratise, hein, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Ça se démocratise de plus en plus et tant mieux pour notre santé et la planète. Mais on ne travaille pas les bases végétales, les parfums 100% naturels, donc qui n'ont pas forcément une même tenue dans le temps parce qu'il n'y a pas de fixateur de parfum dans les compositions. Tout ça a une influence aussi sur la qualité du produit, l'expérience olfactive, en termes de texture, etc. Et, ben, et les grandes structures n'ont pas forcément cette expérience-là. Donc, il y en a, hein, enfin, je veux dire, y a des gros, des marques internationales, françaises, bien connues, qui sont adhérentes d'ailleurs au Cosmé Bio. En général, ce qu'on a pu constater, c'est que c'est plutôt une acquisition de marques qui, elles, ont eu cette expérience et se sont créés dans un modèle de cosmétiques bio et qui du coup ont acquis cette entreprise, ont fait un rachat et ont permis d'acquérir voilà, une connaissance du marché, une façon d'aborder les choses. On vend certes des produits chez Coslist, mais on a vraiment une démarche globale aussi sur l'origine des matières premières. Avec des partenariats avec des producteurs français. Enfin, tu vois, il y a quand même quelque chose d'assez global. On n'est pas juste des vendeurs de shampoing, quoi. En tout cas, c'est ce qu'on défend au quotidien. Et vous défendez aussi un prix plutôt accessible. Alors, comment c'est possible de justement concilier tout ça? Alors, Qualité c'est et rigolo. accessibilité. En fait, bah, c'est du départ. Si tu veux, on est parti d'un constat simple avec Coslist, c'est que, donc pareil, hein, début 2000, ce qu'on trouve en termes de produits douche, notamment, c'est des flacons de gel douche 250 millilitres. Tu trouves des crèmes à 30 millilitres pour le visage. En fait, des petites contenances. Et on se dit, mais attends, mais si, même si on n'est que deux, enfin, on a le gel douche, racheter un gel douche toutes les semaines, ou acheter un shampoing, ou même quand tu as des enfants, alors encore plus quand tu as des enfants, etc. Bah, c'est quand même bête. Tu jettes du plastique tous les 15 jours, en plus tu dois racheter. Et en fait, au final, ça coûte cher. Ah oui, Donc nous, à produire on avait tout de aussi. suite eu cette version, tu vois, de faire des grands formats. D'accord. C'est le propre de Coslis. Alors, j'en parlais justement en début de semaine avec une journaliste. J'ai dit, mais on a des formats à litre. Alors maintenant, c'est quelque chose qu'on trouve régulièrement, hein, tu vois, sur les gels douches, les shampoings. On n'est plus les seuls, bien sûr. Mais je dis, on a aussi du 5 litres. Ouais. Je dis, des produits. Et on en Ouais. vend. Si tu veux, les gens, on en vend des crèmes lavantes pour les mains. Typiquement, en Covid, avoir un bidon de 5 litres pour laver les mains, c'était pas du tout ridicule, quoi. On était très sensibilisés sur le lavage des mains à ce moment-là. Donc, et puis aussi, et ça, on a été précurseurs, justement, en magasin bio. Depuis 2013, on propose du vrac. Donc, tu as ton flacon qui est vide, tu dois recharger un vrac. Donc, tout ça fait que du coup, tu as un rapport justement prix au litre qui est diminué. Et donc, ça rend effectivement nos produits tout à fait accessibles dans une approche de budget famille et tout en étant plaisir. Tu vois, il faut aussi que ça soit des produits plaisir et un rapport qualité-prix honnête. Puis, c'est aussi les formes, justement, les choix de packaging. Bah, si tu standardises un peu nos dentifrices, tu vois, nos tubes, c'est les mêmes. Donc, on a aussi des volumes maintenant qui nous permettent aussi d'avoir des coûts de fabrication plus justes. C'est vraiment une approche d'éco-conception. En fait, c'est là qu'on voit aussi que l'éco-conception peut avoir aussi des avantages économiques, c'est pas toujours cher. Tu vois, je parle, tout à l'heure, je disais aussi les partenariats avec des producteurs de matières premières et depuis des années. Donc, tu vois, on peut, c'est aussi un gagnant-gagnant. Eux, ils savent que voilà, on s'engage à acheter X quantité de plantes. Bah, du coup, en contrepartie, on a un prix aussi ils peuvent se permettre d'avoir un prix discuté. Donc, d'avoir une approche, tu vois, voilà, de partenariat construit main dans la main et durable fait que forcément, en tout cas, nous, on a suivi ce chemin-là. Oui. Et on a une question justement, Steven. Bonjour Steven, qui nous demande, est-ce que les dernières avancées en termes de composition de packaging pourraient avoir un impact positif sur les prix? Il pense notamment à tout ce qui est packaging à base d'algues. C'est toujours quand on est dans la nouveauté. Oui. En général, c'est pas là que c'est le moins cher. Ouais. Donc, alors, l'algue, tu sais, ça fait au moins 15 ans, hein, que c'est pas nouveau, hein. D'accord. C'est loin d'être nouveau. Mais ça, les premières ébauches, c'était compliqué, notamment parce que donc, tous nos produits sont base liquide, donc eau. Et très longtemps, dans les packs éco-conçus, on a eu ce problème, si tu veux, de compatibilité. Bah parce qu'il y a de l'eau, il faut que ça soit pas biodégradable dans ta salle de bain. Tant qu'à faire, il faut que tu puisses l'utiliser avant. Donc il y avait ça, et puis aussi le fait qu'on soit avec des parfums 100% naturels à base d'huile essentielle. Tu vois, c'est des actifs quand même. On dit toujours, bah, une goutte d'huile essentielle suffit dans un peu d'huile végétale en C'est usage vrai. naturopathique. Donc c'est quand même très très concentré. Donc il y a un sujet effectivement dans l'éco-conception à partir de matériaux d'origine naturelle. Aujourd'hui, Coslis, on a fait le choix. Alors bon, là, les tubes, c'est pas le cas, mais tous nos flacons, tous ceux repères, hein, tous ceux qui sont transparents, en fait, sont en 100% recyclés. Et ça, c'était un choix qu'on a fait, pareil, hein, c'était aussi un peu dans la même période que le vrac, hein, tu vois, des années 2010. On a fait ce choix du recyclé. Dans cette approche, ben voilà, on jette, on trie, réutilisons nos déchets. Donc, ça se voit moins maintenant, mais il y a eu à un moment donné une grande tendance au pack à base de sucre de canne. Et moi, Ah oui. ah ouais, mais moi, dès le départ, j'étais vent debout contre ça parce que sucre de canne, pour moi, on déplaçait le problème, si tu veux. Donc, D'accord. le film en plastique, c'est issu de la pétrochimie. Donc, qu'est-ce qu'on reproche à la pétrochimie? C'est qu'on épuise nos ressources. Un jour, il n'y aura plus, hein, le pétrole. Et donc, sucre de canne, bon, ça n'échappe à personne que ça ne pousse pas en France. Donc, forcément, il fallait aller le chercher sur des zones géographiquement qui pouvaient se permettre de cultiver ce type de vin. En l'occurrence, le Brésil. D'accord. Et là, tu vois, donc, entre la distance. Plus le fait que bon, le Brésil est malheureusement pas connu pour son respect de la biodiversité et de la nature. Moi, j'ai tout de suite préféré ce côté réutilisation. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs aussi avec, tu vois, l'approche du vrac. C'est-à-dire, voilà, on dit, bah, ok, t'as acheté ton gel douche, maintenant tu gardes ton Oui, flacon, on rentabilise. tu viens recharger dans ton Oui. magasin bio. En produit. Et tu vois, là, le shampoing, on en est même à des produits spécifiques. Là, le shampoing et l'après-shampoing, on les a sortis justement là en janvier en format vrac. Donc aujourd'hui, tu peux même aller recharger des produits vraiment avec des fonctions, ouais, voilà, spécifiques en vrac. Donc c'est notre façon, si tu veux, nous, de réduire les déchets. Oui. C'est vrai que parfois on me fait la remarque, hein, vous êtes une vieille marque, vous avez 20 ans d'existence et vous n'avez pas de solide. Alors on en a un peu maintenant, si tu veux, on a quelques savons. Mais c'est vrai que notre modèle de fabricant, si tu veux, est de fabriquer à partir de base d'amande liquide. Et maître savonnier, c'est un métier, enfin, on ne Oui. s'improvise pas. Enfin, nous, si on devait le faire, on le ferait dans le sens propre du terme, c'est-à-dire vraiment maître savonnier. Et c'est vrai que. Pour réduire les déchets, tu peux aussi le faire en re-remplissant ton packaging, Oui. même ton joli flacon en verre, ou voilà, il n'y a pas de souci sur ça, quoi. Tu peux faire de jolies choses aussi avec des formules liquides et pas uniquement avec le solide. Oui, il y a une grande mode en fait, mais en effet, il y a d'autres. Déjà, en termes d'utilisation, les consommateurs n'ont pas forcément tous les mêmes goûts. Ouais, voilà. Et puis des fois, tu trouves pas. Alors, pour du corps, globalement, du déo aussi, ça marche bien. Mais après, tu peux avoir des résultats ou des ressentis qui, à ce jour, certainement que ça, comme je disais tout à l'heure, tout évolue dans la cosmétique et pour tout de manière générale. C'est vrai que, tu vois, notamment au niveau capillaire, c'est pas évident de trouver forcément le produit qui te correspond bien. Le dentifrice, pareil, ça peut être aussi un peu Oui. troublant aussi. Une nouvelle façon de l'utiliser. Voilà, le vrac est une façon de retrouver les mêmes textures que ce qu'on connaît en packaging, mais en dimension réutilisable. Et pour faire un petit focus sur ces produits-ci, justement, la gamme Sublime Kératine que tu m'as offert, merci. Est-ce que tu peux nous dire un peu leurs particularités, dans quel cas les utiliser? Oui, bien sûr. Alors, la kératine, donc là, c'est une kératine végétale, bien entendu. En fait, nos cheveux, si tu veux, contiennent de la kératine, mais cette kératine, si tu veux, bah, de toute façon, le cheveu, c'est quelque chose de mort. Hein. Une fois que ça pousse, effectivement, le cheveu est mort. Donc, si on expose nos cheveux, tu vois, soit à du fer à lisser, ou on se sèche régulièrement les cheveux, ou tout simplement par les éléments naturels, beaucoup de baignades, de piscines, de vent, ou des bonnets pour peut-être dans le milieu professionnel, des fois tu dois mettre des charlottes, ou des éléments de protection. Donc ça des frottements. Donc ces frottements, en fait, si tu veux, fragilisent du coup la kératine que tu avais sur le cheveu et donc ne se régénère pas. D'accord. Déjà, il faut savoir que tous les produits à base de kératine sont à vocation de réparer ton cheveu ou en tout cas lui réapporter une protection au niveau de la fibre capillaire. Je précise, c'est important de ne pas confondre le côté réparé, protecteur avec le côté hydratant ou le côté ou même nourrir. Ah oui. Ce sont des choses différentes parce que parfois, c'était ce que je voulais, on aime bien aussi avoir interrogé notre communauté d'ambassadeurs sur les produits. Et bien, bah oui, j'ai mes produits toujours aussi secs, mais ça ne vient pas apporter de nutriments. Ça vient protéger, donc tu as un effet, en fait, si tu peux un peu gainant, tu vas donner de la brillance à ton cheveu. Et puis, effectivement, tu vas prévenir aussi de continuer à fragiliser ton cheveu dans le temps. Si tu as besoin si ton cheveu est sec, bah, il faut lui apporter de la nourriture. Donc là, c'est des huiles, des produits hydratants. Donc là, vraiment, la gamme kératine. Et comme pour tout produit spécifique, il faut l'alterner avec un shampoing à usage quotidien, si tu veux, un shampoing plus doux. Donc tu alternes, une fois tu te laves les cheveux avec un shampoing cheveux normaux, ultra doux, usage fréquent. Et une fois tu laves avec un produit spécifique et ça évite que ton cheveu sature aussi des propriétés de la kératine végétale. Kératine végétale, c'est quoi? En fait, ce sont des protéines hein, issues de différentes plantes. Du coup, voilà, on a la particularité d'être assez proche justement de notre kératine qu'on a Naturel. naturellement. On a un commentaire qui rebondit sur le concept du vrac. Pour moi, en tant que consommateur, le souci que je vois avec le vrac, c'est que les produits changent et évoluent trop vite. Et puis à mettre en place en grand volume, ça doit être compliqué. Alors, les produits changent, évoluent, tu veux dire en termes de. Là, aujourd'hui, il y a la Biocoop, tu as un shampoing ultra doux, et puis que la formule puisse évoluer au bout de 6 mois, c'est en ce sens-là, peut-être? C'est vrai que là, je me demande, moi, je pensais que c'était peut-être au niveau de la conservation. Steven, si tu peux nous préciser ce à quoi tu pensais, je pensais que c'était au niveau de la conservation, peut-être, que ensuite, à stocker à Après, la c'est vrai que maison. ce que je peux préciser, c'est que déjà, de toute façon, quand tu achètes en vrac, que ce soit ton flacon que tu re-remplis ou que ce soit toi, un joli flacon en verre que tu as dans ta salle de bain et que tu veux justement remplir, de toute façon, ton magasin dans lequel tu vas remplir doit te donner la dernière liste d'ingrédients. Hein, donc, il a D'accord. obligation de te donner la bonne liste d'ingrédients parce que voilà, tu ne sais pas si toi ou un ami qui va venir chez toi qui va utiliser ton shampoing ne va pas faire une réaction. Donc, il faut savoir précisément la liste d'ingrédients et le numéro de l'eau à quoi correspond. Donc sur le côté évolution, tu vois, là, moi je pensais à ça. Après, évolution dans le temps, Tu sais, sur du produit d'hygiène, en général, on est sur une PAO de 12 mois. Donc, il n'y a pas de changement par rapport à ça. Au niveau des magasins, si, on a tout type de format. Hein, on va du 10 litres jusqu'aux 50 litres. Oui. Donc, en fait, selon la taille du magasin, bien sûr, on les encourage toujours à prendre des petites quantités. Et puis après, ils montrent s'ils ont besoin d'en avoir plus pour répondre aux attentes de leur clientèle. J'ai pas de retour sur ça. Steven confirme, c'était bien ça, soit la conservation, soit le côté évolution de la gamme. Mais de toute façon, bah, il y a des tests qui sont faits pour par rapport à la conservation. Ouais. Effectivement, c'est vrai qu'il faut de la, il faut de la rotation un minimum dans le magasin, bien sûr. Oui. Et avec ta casquette de responsable communication, donc tu choisis les supports pour communiquer sur les valeurs de Cosys. Et aujourd'hui, tu évoquais déjà un peu les canaux, mais vous utilisez à la fois des relations presse et à la fois les réseaux sociaux. Les deux sont encore incontournables. Bah, pour moi, c'est assez complémentaire. Alors déjà, je raccroche toujours, hein, avec mon réseau de la bio. Le réseau de la bio a toujours eu la particularité d'être avec des magazines gratuits. Alors, le marché économique actuellement est compliqué pour beaucoup de monde, et notamment dans la presse. Donc, sa tendance a un peu évolué ces derniers mois dans la bio. Mais donc, si tu veux, donc c'est des journalistes, tu vois, dans la presse papier. Donc, bah, il faut bien leur transmettre des informations. Les relations presse avec les RP, hein, comme on dit dans le jargon, c'est on se destine aux professionnels, hein, donc des journalistes, des pigistes qui vont sur un sujet donné, qui ont envie de faire un papier sur l'upcycling de plantes, sur l'éco-conception. Ils viennent chercher en fait du contenu pour avoir une vision un peu plus profonde de certains sujets qu'ils souhaitent aborder. Et puis mettre en lumière effectivement des nouveautés qu'il peut y avoir avec des nouveaux actifs, des nouveaux formats. Donc ça, moi je trouve que les RP, elles sont importantes pour la relation en fait aux professionnels, qui eux vont diffuser aussi bien dans des médias au grand public que dans les médias pro, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de médias qui sont tournés par exemple pour des magasins spécifiquement. Et puis les réseaux sociaux, bah, pour moi, c'est plus challengeant sur le côté direct, échange direct avec la communauté. Donc, avec des ambassadeurs, des retours d'expérience, tu viens partager en continu, en fait. Alors, ça a davantage d'inconvénients, hein, mais effectivement, il y a une quantité d'informations qu'on peut diffuser beaucoup plus vite sur les réseaux sociaux que par le biais des RP qui, justement, comme je disais tout à l'heure, choisissent leur sujet. Là, sur les réseaux sociaux, tu viens aussi pousser ce que toi, tu as envie de mettre en lumière. Et Donc, je trouve que c'est liberté. complémentaire. Tu vois, je trouve que c'est très complémentaire. Et puis voilà, on a aussi une clientèle qui est autant sur les deux canaux, si tu veux. Donc, Oui, ça a un objectif différent, finalement. voilà, en fonction des tranches d'âge ou de ta cible, quand t'es famille, effectivement, tu lis, tu vois, je pense aux jeunes mamans, par exemple, ou enfin, jeunes parents en général, ton premier enfant, bon, avant que tu commences à être concerné, bon, un bébé, c'est un bébé, ça a l'air d'être simple, biberon, dodo, finalement, ça n'a pas l'air d'être si simple, va peut-être falloir que je change des choses, mais qu'est-ce que je dois prendre? Donc, il y a toute une approche, tu vois, de documentation, alors que les réseaux sociaux apportent, mais des fois, tu as envie d'avoir un peu plus, quoi. Donc, tu as des médias spécifiquement sur le milieu de la famille ou du bébé. Donc, c'est vrai que, tu vois, voilà, on a aussi on peut avoir besoin de se communiquer à notre clientèle de cette façon-là. Oui, d'accord, de façon plus approfondie sur un sujet. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on sait que le temps accordé, le temps d'attention accordé à une publication est très court. Tu as des médias informatifs, bah, tu en fais partie du coup, hein, clairement, qui permettent justement d'aller un petit peu plus dans un domaine en particulier, voir des sujets un peu plus profonds. Moi, je reste convaincue que les deux peuvent cohabiter ensemble. Je pense que tu as des sujets de fond. C'est comme lire un livre ou lire juste le résumé par mail de l'actu du. Si tu veux avoir des opinions un petit peu plus tranchées, vraiment te faire un bon avis, je pense que d'avoir un peu de profondeur dans des dossiers, dans des médias qui permettent de justement de mettre en lumière certains sujets, pour ça, c'est juste. Côté donc réseaux sociaux, marketing d'influence, toi tu as à cœur de parler dès que possible en direct avec les créateurs de contenu que vous appelez les talents. Comment tu les sélectionnes alors? Alors, soit il y en a certains et certaines que je connais depuis des années, Ah oui. qui ont grandi comme moi, dans l'environnement de l'écologie, du green. Là, c'est une relation qui est riche, justement, parce que on se suit mutuellement et on voit aussi, encore une fois, l'évolution des propositions, même de nos confrères. Donc, c'est intéressant de voir aussi comment ils parlent aussi de ce qui se passe sur le marché. Donc, les réseaux sociaux sont une bonne veille, les influenceurs sont une bonne veille aussi des C'est tendances, en tout vrai. cas des intentions des marques. Comme pour les médias, si tu veux, je passe beaucoup de temps en fait en direct. C'est-à-dire, je ne passe pas par une agence de Ah com. oui. Alors, en RP, c'est un métier. Hein. Pour moi, la presse, c'est la mise à jour des fichiers journalistes, ça serait trop compliqué à un boulot à temps plein. Ça, on fait appel effectivement à une agence. Par contre, effectivement, pour tout ce qui est influence, alors sauf si l'influenceur en question passe lui ou par une agence, mais je trouve, j'ai besoin, comme je le fais avec toi aujourd'hui, j'ai besoin d'expliquer notre histoire parce que enfin voilà, je suis une convaincue. Je pense Oui. que il y a quelque chose à raconter quand tu as un produit bio, c'est pas juste un label. Enfin, en tout cas, moi, je me bats pour essayer de sortir de ça, tu vois, vraiment Oui, je comprends. raconter l'histoire comme je viens de te le Oui. partager. On n'est jamais mieux placé que nous-mêmes de parler de notre marque. Oui. Je dis pas, une agence, si tu leur donnes le brief, ils vont faire le taf. S'il y a des questions un peu plus précises de toute l'histoire qu'on vient de partager ensemble, de mon expérience, s'est passé en 2010, etc. L'agence, elle ne peut pas le savoir, ça. Pour établir une relation et pouvoir répondre à toutes les interrogations du talent, c'est vrai que j'aime bien avoir cet échange en direct. Oui. Puis dès qu'il y a de l'humain, enfin même au niveau de ce que le talent va retenir, le fait d'avoir d'avoir un contact vraiment avec une passionnée, mais humainement, bah c'est plus puissant qu'un mail, par exemple. Moi, c'est ce que je préfère de loin, c'est de pouvoir échanger. Et puis, tu sais que tu as vu Coslys, donc c'est une grande marque, il y a beaucoup de choses dans la gamme. Donc, c'est pas évident quand on ne connaît pas la marque, pour le coup, de dire bah tiens, c'est ça que j'aimerais tester et que j'aimerais découvrir. Moi, je suis assez aussi dans l'ouverture qu'est-ce que tu as envie de découvrir chez nous, ou comment tu nous as connus, ou qu'on comprenne et ensemble ce qui peut nous donner l'occasion de collaborer ensemble. Enfin. On passe aux questions incontournables de beauté imaginée. Est-ce que tu aurais une gaffe cosmétique que tu aurais faite avec un produit de beauté mal utilisé? Et pour le coup, avec un produit chez nous, comme quoi, hein, même avec des produits de chez soi, on n'est pas forcément On les peut se tromper. meilleurs utilisateurs. Ouais. J'ai deux produits en fait au bord du lavabo. Oui. Tous les deux dans un flacon pompe. Il y en a un pour se laver les mains et un pour se brosser les dents. C'est un dentifrice rechargeable. Apparemment, je crois que je ne suis pas la seule. J'ai d'autres personnes de notre communauté justement qui l'ont partagé. Mais clairement, les premières fois, et pas qu'une fois, hein, les premières fois, je me suis lavé les mains avec du dentifrice. Ah ouais. Bon, en soi, ça lave. Ça désodorise, mais c'est pas, on va dire, en termes de texture, ce qui est le plus plaisant. Donc, tu vois des petits trucs pour des raisons de packaging, Et oui, tu bah vois. oui. Alors, on fait les choses machinalement quand ça se ressemble un peu. Donc, voilà. Et puis, c'est vrai que clairement un dentifrice en flacon pompe la première fois. C'est C'est vrai. complètement, tu vois, c'est complètement nouveau. Mais alors, une fois, par contre, que tu as pris le pli et que tu as bien maintenant mis le produit pour se laver les mains à gauche et le dentifrice à droite, une fois que tu as bien calé les éléments, moi je m'en passerai plus, quoi, Ah tellement oui. c'est pratique. Ah, c'est vrai. Imagine, tu n'as plus ton bouchon à Ouais, c'est dévier. vrai. C'est des choses qu'on fait automatique si tu veux, mais une fois que tu as vu que tu pouvais t'en passer, Ouais. finalement, c'est plutôt sympa. Est-ce que tu aurais un produit incontournable qui ne soit pas de ta marque? Ouais, j'ai les cheveux très très Oui. fins. Là, en plus, je les avais très courts l'année dernière. Donc là, ils sont en train de repousser. Donc j'ai des longues mèches qui ont du mal à tenir debout. Enfin, je manque de texture. Mes cheveux, ils sont voilà, vite plats. Bref, D'accord. le sujet volume est un sujet chez moi. Oui. Et donc oui, j'ai une poudre texturisante que j'utilise tous les jours en fait pour justement donner un peu de volume sur le haut de la tête. Parce que moi, je fais de la coloration végétale. Et c'est une marque qui a des salons de coiffure qui s'appelle Les Couleurs de Gaïa. Puis c'est super économique, tu vois. Tu vois, j'ai vraiment un effet un peu de. C'est pas aussi dur qu'une cire coiffante ou un gel, etc. Mais ça donne quand même de la tenue. Tu vois, Mmh. sinon. Donc ouais, ça c'est mon indispensable. En plus, c'est pas grand. Ça tient dans le C'est sac à pratique. main. C'est parfait. Eh bien, merci pour toutes tes réponses. Nous allons passer à la rubrique Les auditeurs t'imaginent, puisque chers auditeurs, dans l'audio, la force aussi, c'est l'imaginaire de se laisser porter par une voix. Donc, c'est à vous de participer. Voici les informations que nous vous faisons deviner à propos de Céline. Quel âge a Céline? Quel sport enseigne Céline et quelle est sa région française d'origine? Sophie qui nous proposait 40 ans, yoga Hauts-de-France. Il y a Du du bon. bon, mais pas tout. Juliette nous proposait 45 ans, fitness et le PACA. Non. Rien du tout. Désolée Juliette. On a également 37 ans, natation, Pays de la Loire. Non, non plus là, il n'y a Là, il pas n'y a rien ça. du tout. Révélation du coup. Quel âge as-tu, Céline? On avait 44 ans. 44 ans, donc Oui. oui, on a eu 40 et 45. Et donc, tu travailles depuis tes 24 ans chez Cossis, alors. Et c'est ça, exactement. Voilà. Presque, bientôt presque, tu auras eu autant dans ta vie Cossis que pas Cossis. Eh C'est ben ouais, non, joli. mais tu te rends compte quand même, d'avoir 20 ans de marque, l'avoir vu grandir C'est et vrai. puis c'est une histoire, quoi, une histoire familiale, en fait. Hein. Ouais. C'est une belle histoire. Tu as carrément changé de région pour travailler chez Oui. Cossis. Oui. Et alors, quelle était ta région d'origine? Est-ce que quelqu'un a Allez. trouvé? Il y avait eu des petits indices hein, tout à l'heure pour ceux qui étaient là au début quand j'expliquais que mon premier job Tout à c'était fait. animatrice formatrice dans la région parisienne et le nord de la France. Et en fait, je suis une ch'ti. Voilà, je suis de Béthune, dans le Pas-de-Calais. D'accord. Mais là, oui, on a eu du coup une personne qui a reconnu peut-être, soit qui a bien Oui. entendu le début, soit qui a reconnu. Des fois, même si avec les années, on le perd de plus en plus, mais des fois, je sais qu'il y a des intonations de Oui. voix. Pour ceux qui sont un peu avertis, peuvent reconnaître des petits un petit peu plus un peu plus tranchés en fin de phrase. Toi, tu me disais, tu reconnais tout de suite, tu repères du coup si... Avec, alors que bah, moi, par exemple, je ne m'en suis pas du tout rendu compte, tu vois. Et en termes de sport, du coup, tu enseignes un sport, quel est-il? Alors, avant même de l'enseigner, c'est surtout été 7 ans de pratique. Pas Oui. du tout choisi, je dirais, parce qu'en fait, encore une fois, pas de hasard. Oui. Non, comme beaucoup de gens, hein, j'ai été touchée par la maladie du siècle, c'est-à-dire le dos, Ah. la fameuse hernie discale, qui est toujours a priori dormante, hein, quelque part, même si aujourd'hui, j'en ai plus du tout de symptômes. Mais effectivement, mon ostéopathe m'avait grandement recommandé de faire du yoga et j'avais déjà essayé du yoga dans différentes salles et j'avais jamais adhéré. Et en fait, souvent, par contre, les cours de yoga sont souvent full, t'as jamais de place. Donc là, il y avait une nouvelle personne qui proposait des cours de Kundalini yoga. Je m'étais inscrite et clairement, oui, ça m'a fait un bien fou sur du coup, ma posture. Et surtout, ce que j'ai aimé du Kundalini, c'est cette dimension, on revient un peu à ce côté holistique et global. C'est un yoga très aussi sur le spirituel, hein, une approche comme pour tout le yoga, si tu veux. L'Ayurveda, il y a le corps, l'esprit, il y a un ensemble. Mais voilà, en tout cas, je me suis reconnue dans cette pratique d'abord hebdomadaire. Puis je faisais des stages, des week-ends de stage. Et effectivement, donc ouais, j'ai passé le diplôme de Kundalini niveau 1 donc en 2019-2020. Oui. Je suis professeure de Kundalini Yoga. Voilà. Kundalini, c'est C'était ouais. l'énergie qui est à la base en fait, de notre premier chakra, si tu veux, et qui du coup vient apporter l'énergie une énergie de vie, si tu veux, dont Mmh. on a tous besoin et qui vient aussi nous renforcer quand la Kundalini est là, quand on a réussi à la réveiller, si tu veux. Alors, je casse tout de suite les mythes hein, de Kundalini. On part dans des. Il y a eu un moment, parfois des gens qui viennent un peu casser un peu tout ce côté beau de la Kundalini, mais c'est vraiment quelque chose d'intérieur, si tu veux. Mmh. Hein. Faut pas s'imaginer un truc où tu pètes un plomb, ou je ne sais quoi d'autre. Non, c'est quelque chose de très intérieur. Et quand tu as cette conscience de se recentrer, de dynamiser cette énergie de la Kundalini, bah, effectivement, ça te permet de revenir aux essentiels pour toi, juste dans tes attentes, mais aussi du coup, bah, on en vient aussi au physique, la posture, la façon aussi dont tu vas te nourrir avec l'Ayurveda, tu vas te soigner, tu vas prendre soin de toi, de ton corps. Et moi, toute cette dimension globale, c'est piégé pour moi, ça. Combien de temps il faut en général? Moi, tu vois, c'est une erreur, mais c'est humain. Bah, très souvent, on attend d'aller pas bien pour faire, tu vois. Et je vois, par exemple, mon dos, c'était ça. Il a fallu que je me bloque le dos pour que, du coup, je prenne du temps pour C'est moi et vrai. bien apprendre à respirer, apprendre à bien me tenir. Mais c'est vrai que, assez rapide, hein. Le Kundalini Yoga, si tu veux, c'est un cours d'une heure et demie D'accord. qui se passe vraiment en trois grands temps. Donc, tu as toujours un temps d'échauffement. Tu as ce qu'on appelle les kriyas. Donc, c'est-à-dire qu'un cours de Kundalini, en tant que professeur, tu peux pas improviser ta séance avec différents exercices. Tu as les kriyas, ce sont des enchaînements de postures D'accord. qui ont un objectif. Donc, ça va peut-être être… voilà, pour justement assoupir le dos, ça peut être pour améliorer la digestion, etc. etc. Donc, tu as cet enchaînement de postures qu'on appelle les kriyas. Et puis, tu as toute cette part aussi de relaxation, méditation aussi, incontournable à la fin. Je pense que, en tout cas, moi, c'est aussi ça qui m'a plu dans le Kundalini, c'est que le fait que ce soit un peu rythmé, c'est un cours qui est rythmé, tu vois, tu as un temps Ah, d'accord. d'échauffement un peu gym, on va dire, tu vois, Oui. tu viens échauffer les épaules, la tête, les trucs un peu basiques. Après, tu as le côté kriya où là, on aborde, oui, une grande importance à la respiration. On va travailler, c'est un yoga dynamique, hein, le Ouais. Kundalini, c'est plutôt où on apporte une énergie, hein. Oui. Et puis à la fin, la partie de méditation, de mantra avec des chants, ce côté chanté aussi, ça vient ouvrir le cœur et je trouve que ça. Extériorisé. Oui, c'est ça. Toi, pas facile au début, hein. C'est quelqu'un, il y a des gens qui sont pas à l'aise à chanter, même si c'est. C'est aussi quelque chose qui vient, comme tu dis, extérioriser, mais aussi qui vient renforcer ton intérieur, ta confiance en toi. Donc c'est ce côté global, tu vois, d'un cours d'une heure et demie. Au début, c'est bizarre, comme souvent quand on n'a pas de. Je vois bien les premiers cours ou en début d'année, Kundalini, les gens rigolent. Ils sont pas, Il y oui, a une sorte n'assument de pas. oui, tu vois, une sorte de découverte de la chose. Et tu vois, là même déjà maintenant, à cette période-ci de l'année, les gens sont rentrés dans une habitude de venir réussir à se recentrer, à travailler le mental, comme c'est un yoga dynamique, donc il y a une grosse part, si tu veux, de challenge à tenir rapidement avec une respiration. Mais par contre, faut bien se dire que il n'y a pas besoin d'être souple. Si tu ne sais pas lever la jambe en l'air, c'est OK. Ah, c'est bon à savoir, un C'est yoga dynamique, assez rapide. Ouais, c'est assez rapide. Franchement, le Kundalini, il ne faut pas une année complète pour entrer dedans. je posterai juste après le live ta photo mystère qui est justement pendant une séance de yoga. On a Chichil qui nous dit: je trouve vos produits géniaux. Oh, merci Chichil. Mais oui, je la reconnais. Je sais qu'elle fait partie de notre communauté. Pour ma part, avec le cancer, c'est vraiment des produits de confiance. Ah oui, Ouais, tu vois, c'est important c'est de regarder les toi qui le dis, c'est compositions. vrai. Ouais, c'est ça. On a les peaux sensibles, même les cheveux aussi, hein, vraiment, qui sont. Merci Chichil pour d'être venue nous rejoindre. Ouais, merci. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission sur la marque engagée Coslys, qui fait partie des pionniers du Cosmé Bio. Merci beaucoup Céline de nous avoir partagé toute ton expertise de ce marché. On a Merci à toi. appris Merci, beaucoup. un grand merci pour cet échange. J'avais déjà beaucoup. beaucoup appris quand on s'était eu au téléphone et à nouveau aujourd'hui. J'espère que vous aussi, chers auditeurs, merci d'avoir imaginé ma belle invitée. Vous pouvez suivre les aventures de Kostis sur le compte Instagram kostis.fr. Pour ma part, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram pour suivre mes prochaines émissions. Et rendez-vous sur mon blog beautéimaginée.com pour plus d'infos beauté. Dernière question, Céline. Pour une prochaine interview de Beauté Imaginée, est-ce que tu penses à quelqu'un que tu aimerais entendre ici? Alors, je ne sais pas si elle répondra positivement. Quelqu'un qui est plutôt discrète. Je ne la connais pas personnellement, on va dire, plutôt dans le cadre de rencontres, tu vois, sur des salons, des événements communs. C'est Michelle Crow. C'est la fondatrice d'une marque qui s'appelle les Douces Angevines. D'accord. Allez voir, c'est juste un bonheur. Alors, elle a cette approche, en fait. Donc, déjà, ce ne sont que des produits sur base huileuse, essentiellement. D'accord. On n'est pas sur de la crème, etc. Donc, une approche d'huile. Et puis, elle est dans la cueillette de plantes à la main. On est vraiment sur de la cosmétique vivante. Donc, de très beaux produits, une très belle marque, inspirante. Enfin, voilà, moi, Douce Angevine fait partie des marques anciennes. Hein, parce que Kostis, Douce Angevine, je pense qu'on doit avoir à peu près il doit avoir 20 ans aussi, je pense. Et je serais ravie si elle pouvait répondre à cette invitation. Je pense que c'est Ce serait une belle partie. ah bah, très bonne idée. Je vais aller regarder tout ça. Merci pour tout, Céline. Merci aussi pour le concours. Chers auditeurs, n'oubliez pas, le concours est en ligne pour découvrir plusieurs produits Cosfis. Et tu proposes aussi de faire un code promo dans la journée. Un code promo voilà, qui permettra de bénéficier de 20% sur le site costis.fr Génial. là sur les 3 prochains mois, quoi. Merci beaucoup. Eh bien, pour ma part, on se retrouve lundi soir 20h45 pour célébrer non pas les 20 ans, mais pour moi les 2 ans du podcast Beauté Imaginée. Donc, Faites je bien. te dis à bientôt pour un prochain épisode de Beauté Imaginée. Au revoir Céline, merci. Au revoir, bonne journée. Vous êtes encore là à la fin de cet épisode? Bah, ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Maintenant, venez me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram. C'est comme ça que je saurai ce qui vous plaît. Voici Beauté imaginée, deux voix et deux visages cachés. Une beauté vous est racontée, puis à visage dissimulé, sa beauté vous est dévoilée, photo postée, Instagrammée. Un indice révélé sur cet homme ou cette femme. Beauté imaginée, c'est mon compte Instagram, sans accent, un tiret. Secret que je me plais à questionner lors de mes lives en invité. Et j'espère, moi, vous inspirer et j'aspire à vous transporter. Autour d'un thème, vous présenter comment l'invité parle beauté. Ses habitudes, même banales, j'attends pas du phénoménal. Je veux qu'on découvre son idéal de beauté, sa routine normale. Mes chers auditeurs, bienvenue sur Beauté Imaginée. J'espère vous avoir convaincu que j'aime quand vous participez. Allez cliquer pour commenter quand j'interviewe mon invité sur son approche de la beauté. Ma rubrique préférée, c'est les auditeurs t'imaginent.